Des Indiens se rassisent à côté de moi, tout décoiffé par le vent du sud. Je pourrais m'empêcher de la trouver jolie, même débraillée. Qu'est-ce que j'y peux? Bien, dis-moi, t'es toujours 25 ans. Rien n'a changé depuis hier. Rien ne posera son sourire comme le soleil sur la mer, avec une intensité naturelle et si belle. Elle aura son petit décolleté, j'y plongerai quand son regard ailleurs sera occupé. Bien, dis-moi, est-ce que je te plais? Je suis trop vieux, qu'est-ce que j'y peux? Une indienne sera assise à côté de moi, et ça suffit pour que j'existe.